Bonjour, ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin. J'aimerais souhaiter à l'équipe junior Les Éperviers de Normandin un joyeux 25e anniversaire. Je tiens également à remercier les fidèles supporters ainsi que les nombreux commanditaires qui, depuis plus de 25 ans, supportent cette équipe qui fait la joie des Normandinois et Normandinoises. Bravo également à toute l'équipe de bénévoles qui travaille sans relâche au succès des Éperviers juniors 2A. On va parler de soccer. La nouvelle a été lancée jeudi ou vendredi, quoi qu'il en soit. Patrick Leduc, que vous connaissiez bien pour son rôle dans les médias à RDS et également sur différents podcasts, entre autres Loin de s'en foutre, a été nommé au sein de l'Organisation de l'Impact de Montréal. Quoi qu'il en soit, on va parler avec lui. C'est quoi le rôle? Qu'est-ce qu'il entend faire? Bon après-midi, Patrick. Bon après-midi. Patrick, si on parlait un peu de ton rôle, de la manière que j'ai compris, ça a commencé quand tu as envoyé des suggestions à Joey Saputo, puis là, vous êtes parlé par la suite et c'est le même que les liens s'est fait. Est-ce que c'est ça? Pas tout à fait. C'est sûr que j'ai écrit dans les dernières années à plusieurs reprises sur l'impact. J'ai fait parfois des suggestions que j'espérais être constructives, mais mon but c'était pas non plus de me créer un emploi ou de suggérer de m'embaucher. Ce qui est arrivé, c'est que je pense que Joey Saputo a parlé de certains changements qu'il voulait mettre en place à l'impact. Il a parlé des cellules de recrutement, de dépistage, entre autres. Bon, il a mis ça en place. Il y a eu des changements aussi au sein du personnel. Il y a Charles Lejeune qui prend sa retraite. Un départ d'Adam Braz, en quelque sorte, Joey Saputo, lui, a saisi ce concours de circonstances pour créer un nouveau poste. Et ce poste-là, il m'en a parlé au mois de novembre. Il voulait sonder mon intérêt, il voulait voir ce que je ferais si j'étais dans cette position-là. Puis d'abord, si ça m'intéressait. C'est comme ça qu'on a commencé notre conversation. On a fait cette annonce-là la semaine dernière que je suis le directeur administratif des opérations soccer. OK. Dis-moi, donc, c'est beaucoup de soccer, c'est de liens, de bâtir un réseau de filiales plus compétitif, j'imagine, au niveau du dépistage également. Est-ce que c'était normal? C'était pas normal qu'il n'y avait pas de réseau de dépistage? T'sais, un club de sport professionnel qui n'a pas de dépisteur? Oui, ben en fait, il y en a des dépisteurs, que ce soit au niveau de l'académie ou même au niveau de l'impact, mais le réseau n'appartenait pas nécessairement entièrement à l'Impact de Montréal. Okay. Ni même à Bologne, en Italie, qui est en quelque sorte notre partenaire ou notre club frère, parce que Joey Saputo est aussi propriétaire de ce club en Italie. Et donc, là, oui, on harmonise tout ça. On crée un véritable réseau qui va appartenir à l'Impact, qui va travailler de proche à celui qui existe à Bologne. Et puis, ça, c'est au niveau du recrutement. Je pense qu'on veut aussi améliorer des choses. C'est pas nécessairement qu'il y avait un problème, c'est qu'on veut faire des choses qui sont plus à l'image du club, identifier des joueurs qui vont ressembler plus, qui vont convenir non seulement aux besoins du club, mais qui vont être des joueurs qui ont déjà un peu des éléments de notre identité. Hein, je pense que le club a une devise, plus pour gagner. Puis la notion de vouloir gagner, de faire tout ce qu'on peut pour y arriver, ça se manifeste dans le caractère d'un joueur. Et puis c'est peut-être quelque chose qu'on va mieux faire maintenant dans le dépistage, d'identifier des joueurs qui correspondent à cette définition-là. Je parlais avec Marc DeSantos il y a environ 15 jours, 3 semaines, lorsqu'il a été nommé instructeur-chef des Wildcats de Vancouver. Et puis, écoute, la MLS, l'Impact et Vancouver sont pas mal dans le même bateau, hein. Je m'explique, parce que la MLS s'en vient de plus en plus gros. L'Impact, ça devient de plus en plus un petit marché. Il y a de grandes vedettes internationales qui vont peut-être aller jouer à Los Angeles, à New York, à Toronto. Et donc, si tu veux rivaliser avec ça, il faut que tu aies un bon réseau de filiales, une bonne académie. Mm-hmm. C'est un peu ça. Marc DeSantos, c'est la même affaire. Et c'est la même affaire du côté de l'Impact, là. Oui, c'est tout à fait. Tout à fait. On aura le budget qu'on a, qui est soit tout en passant. Il faut aussi tout ça pour ce qui est des montants qui ont été dépensés par le président depuis tout l'Impact en MLS. Faut pas toujours dire qu'on est dans les plus petits, parce qu'il y a quand même il y a des bons salaires qui ont été octroyés à des joueurs comme Piotr et à Drogba du Bayo. Mais c'est vrai que si on veut être compétitif, c'est pas juste deux ou trois joueurs qu'on peut payer dans des gros salaires, ça en prend plusieurs. Et ça en prend aussi des on va les appeler des acteurs de soutien qui devraient peut-être coûter moins cher. Donc, une ressource que ça, c'est ton académie. Il y en a des joueurs qui sont passés par l'académie, qui sont devenus des joueurs de l'Impact de Montréal. Il y en a qui sont encore avec l'Impact, d'autres qui ont continué leur carrière ailleurs. Ce qu'on veut faire, c'est trouver une façon de rendre ça encore plus efficace. On veut avoir des joueurs qui se développent chez nous et qui vont atteindre un plus haut niveau, qui vont jouer un plus grand rôle. Fait que là, c'est le souhait de tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre académie pour aider ça? Comment on peut donner des occasions à des jeunes joueurs de continuer à jouer, de continuer à se développer quand il y a juste 11 positions sur le terrain? On s'en fait qu'il y en a 22, 23 dans l'équipe, mais il faut trouver des partenaires. Par exemple, on a un partenaire à Ottawa, il y a des joueurs qui ont passé du temps l'an dernier, qui reviennent, qui vont signer un contrat pro cette année. Donc, ça peut fonctionner, ça peut mieux fonctionner. Je pense que oui. Alors, c'est là-dessus qu'on va travailler, ça demande le suivi. Et c'est une des tâches que j'aurai de faire ce suivi-là. OK. Patrick, si on parlait un peu justement du suivi puis de tout ça et ainsi de suite, si je continuerais là-dessus, est-ce que c'est normal un petit peu? Est-ce que tu t'entends faire un rapprochement aussi avec la Fédération québécoise de soccer? Ils jouent du soccer, ils en jouent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ce que j'ai entendu à travers les branches, c'est que c'est plus ou moins Puis les relations sont plus ou moins bonnes. Est-ce que ça, on entend faire également de ce côté-là un travail de représentation? Absolument. Absolument. Il y a déjà des rapports qui existent. Et c'est vrai que dans le passé, il y a déjà eu une certaine distance entre la Fédération et l'Impact. Mais je pense qu'on est capable de passer par-dessus ça. Et je dirais qu'en coulisses, le rapport, il existe déjà. Hein. Il y a des discussions qui sont assez fréquentes entre la Fédération et l'Impact. Et on doit s'afficher comme partenaire beaucoup plus que comme rivaux, même si il y a des moments où un groupe d'équipe du Québec qui est chapeauté par la Fédé va peut-être jouer un match contre l'Académie. C'est normal que sur le terrain, parfois, on soit en compétition. C'est peut-être même pas une mauvaise chose. Mais sur les partenariats, il y a des clubs avec lesquels on travaille déjà, différentes branches de notre académie. Et ça, c'est un réseau que j'aimerais élargir. Un réseau que j'aimerais aussi, où j'aimerais renforcer les liens. J'aimerais qu'on soit plus présent avec nos clubs partenaires, qu'on soit en appui à leurs besoins, que ce soit pour faire des séances sur le terrain, pour aider à l'éducation des entraîneurs, parce qu'il y a une expertise à l'académie. Et si on la garde juste pour nous, en quelque sorte, on y perd, parce que notre réseau, notre filière de joueurs, c'est tout le Québec. C'est pas juste à Montréal qu'on veut attirer des joueurs. C'est tout le Québec, tous les jeunes joueurs du Québec qui doivent, en quelque sorte, rêver d'un jour représenter l'Impact de Montréal. Donc, pour que ça fonctionne, il faut que notre réseau soit plus large, il faut que nos liens soient plus forts, il faut qu'on soit plus présent. Alors, on a notre bout à faire. En retour, je pense que la fédération, plutôt que nous mettre les bâtons dans les roues, va être... Je m'attends à ce qu'elle soit très réceptive et je pense que ce rapport-là est en train de se mettre en place. Okay. Et on va travailler là-dessus, il y aura des résultats. Ça, je serais fier de vous les annoncer quand il y aura des choses à annoncer, mais on va travailler avec nos partenaires dans le pays. On va revenir dans quelques instants avec les régions. Je trouve ça intéressant parce que tu parles à une radio des régions, là, en région. Fait que on va en revenir. Ouais. Comment tu vois l'arrivée de la Canadian Soccer League? Oui. Comment tu vois ça? Honnêtement, j'étais comme journaliste, là, j'ai vu ça, puis je me suis dit, je salue l'arrivée de la Ligue canadienne. Puis en même temps, on a eu assez d'expérience de courte durée dans le monde du soccer. Alors, je souhaite que ça soit une ligue qui soit solide et qui ne fasse pas que passer, hein, qu'on ait une fondation, que ça s'installe et que ça devienne un réseau où les joueurs espèrent, ils voient une avenue pour leur carrière. Après, c'est difficile d'évaluer à quoi ça va ressembler en ce moment parce qu'on n'a pas vu. J'ai vu quelques noms des signatures de joueurs. Et il n'y a pas de club qui s'installe au Québec. Alors, puis j'entrevois un peu difficilement à première vue comment on installe une franchise. Il pourrait y avoir des avantages. Il y a beaucoup de si, parce que il y a peut-être des jeunes joueurs justement qui pourraient trouver du temps de jeu éventuellement. Ça peut être une avenue pour un joueur qui cherche à se développer, qui a besoin d'une année ou deux dans une ligue professionnelle ou même une ligue semi-professionnelle avant de peut-être passer un cap et d'arriver à l'impact. C'est en soi l'idée bonne, mais dans la pratique, ben je suis un peu curieux de voir à quoi ça va ressembler. Mais je connais certains acteurs, je connais certains entraîneurs qui sont impliqués, puis je me dis qu'il y a des bonnes têtes de soccer là-dedans. Alors, s'ils ont la marge de manœuvre, ça va être intéressant aussi. Non, mais tu parles de partenariat depuis le début, puis c'est sûr que c'est inévitable. Il fallait que la question se pose sur le Canadian Soccer League. Là. Patrick, si on parlait un peu justement des régions, t'as parlé également, c'est important. Moi, je trouve ça important pour les régions, que les régions soient mieux représentées par l'Impact, parce que l'Impact, c'est pas juste l'équipe de Montréal, c'est l'équipe également des régions. Est-ce que, justement, vous avez un peu de misère à faire Salcombe ou Stade Saputo, est-ce que le développement dans les régions est encore plus important? La représentation. C'est toujours aussi important. Je dirais que c'est toujours aussi important et je pense que peut-être qu'il y a, il y a encore là une présence à assurer, que ce soit par les médias, que ce soit par des activités, et dans ce cas-là, peut-être que c'est les écoles de soccer ou l'académie qui sont plus faciles à déplacer dans certains cas. Si on a un partenariat avec un club qui est en région et on a une participation de certains de nos entraîneurs éventuellement, ça pourrait être quelque chose qui nous rapproche de nos partenaires qui sont pas tous juste dans la région de Montréal. Ce sont des choses qui sont très importantes pour le club. Et puis pour l'instant, comme j'arrive et je n'ai pas encore la notion de tout ce qui a été envisagé par les gens qui sont à l'académie, je me commettrai pas dans rien, mais c'est certain que c'est un volet qui m'intéresse. C'est certain que je trouve qu'on a beaucoup à y gagner. À quelque part, c'est sûr que c'est plus difficile à faire, mais à quelque part, c'est quand même un peu comme les expos dans le temps avec la caravane des expos. Tim Raines, il venait à Chicoutimi, je l'ai dit à Richard Legendre à peu près 3 semaines. Donc pourquoi pas là, développer et voir d'autres joueurs. Est-ce que l'arrivée d'une grande vedette internationale, moi je me rappelle quand Didier Drogba est arrivé à Montréal, il y a eu des ventes de produits dérivés, il y avait un buzz autour de l'Impact. Est-ce qu'une grande vedette internationale comme Drogba, est-ce que c'est souhaitable? Ça, c'est une question qu'il faut poser à notre entraîneur et notre président. Est-ce que ça a des bons côtés? Absolument. Est-ce que Drogba a eu des retombées positives pour le club? Ben c'est certain. Et oui, le buzz était présent. On ne peut pas le nier. Est-ce que au niveau financier, c'est un investissement qui rapporte. Ben, il y a plusieurs façons de le voir. Dans certains cas, c'est vrai que ça augmente des ventes et que ça peut aider au niveau du public. Mais c'est peut-être pas aussi rentable qu'on peut le penser de l'extérieur. Il y a d'autres aspects à considérer. Ben, il y a évidemment le salaire, mais après, c'est plus l'orientation qu'on veut donner au club. Est-ce que c'est une décision qui doit se faire en partenariat entre le président et l'entraîneur? Si l'entraîneur pense qu'il y a une occasion avec un joueur qui va aider l'équipe et que le président y voit un calcul financier avantageux, ben là, je pense que on peut pas dire que ça arrivera jamais à nouveau. Mais je pense que là, on est une identité qui s'est dessinée avec Rémi Garde. On a un joueur désigné avec Ignacio Piatti. On lui a ajouté un autre joueur qui s'appelle Alejandro Silva à l'aile droite l'an dernier. Et là, On vient d'aller chercher un routier qui est un Argentin, qui pourrait très bien jouer en avant-centre entre ces deux-là. Moi, je trouve qu'on a une saveur là qui est en train de se former avec l'Impact. Il y a des joueurs locaux comme Samuel Piet qui a un rôle très important. Et puis là, défensivement, de l'an dernier, on avait avec Fanny et Sagna des additions qui étaient intéressantes. C'est autour de ça que je pense que l'Impact se dessine en 2019. On verra s'il pourrait y avoir d'autres changements, mais j'imagine pas qu'on est à la recherche d'une vedette, qu'elle soit en fin de carrière ou d'une vedette internationale qui viendrait s'ajouter à ça. OK. Ben, je vais te souhaiter la meilleure des chances, Patrick. C'est très intéressant. Au plaisir de se reparler. Puis c'est une perte quand même pour les médias, mais un gain pour l'Impact de Montréal. Ben, je resterai disponible pour passer en entrevue avec toi. J'espère! Juste un petit commentaire en passant. Par le passé, j'ai eu beaucoup de difficultés avec l'Impact de Montréal à avoir des vedettes. Puis la semaine passée, je l'ai dit à Richard Legendre. Comment ça se fait qu'on est capable d'avoir Marc de Santos, des Wildcats de Vancouver, quand les Wildcats n'ont rien à cirer du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Fait que ce serait bien d'avoir le personnel de l'Impact quand on le veut puis quand on le demande. Bon, ben, moi, je vais prendre le relais de Richard qui s'en va à la retraite, mais ça me fera